Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot in the days of old lang syne? Merci à toi Mike de me passer le relais, belle allée à toi avec tes belles émissions. Voilà, vous avez écouté, c'est Rod Stewart dans le chant traditionnel écossais, Auld Lang Syne. On est le mercredi 14 janvier, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net. C'est Yo pour la première émission de Music Live 2026. Tout d'abord, chers auditeurs, au travers de ce beau chant traditionnel Scots de nouvelle année, ou plutôt qui marque la fin de l'année, et interprété par Rod Stewart, je tiens tout d'abord à vous souhaiter une bonne année et vous présenter mes meilleurs voeux de santé et de bonheur à vous tous, ainsi qu'à tous les artistes, musiciens, techniciens de Nancy, de la région, de France, d'Europe et du monde. Faites que 2026 soit encore une grande année pour le spectacle vivant et la musique vivante en particulier, et éclatez-vous pour notre plus grand plaisir. Un petit changement pour cette émission que vous suivez en direct en podcast sur fadjet.net ou donc dans l'émission Music Live qui se déroulera désormais deux fois par mois, les deuxièmes et mercredis quatrième mercredi à 20h. Au programme ce soir, un bilan sur la musique vivante en France pour l'année 2025 qui vient juste de se terminer. Des news, les premiers concerts annoncés pour 2026 à Nancy et dans la région. Cette première de l'année chargée, alors on perd pas de temps, générique Angélique. Je voudrais d'abord rendre un hommage aux musiciens, chanteurs et autres proches du monde de la musique qui nous ont quittés en 2025. David Lynch, Gene Hackman, Emily Deacon, Val Kilmer, Ozzy Osbourne, Robert Redford, Diane Keaton, Brian Wilson, Rick Davies, Marianne Faithfull, Lalo Schifrin, Roberta Flack, Eddie Palmieri, Amadou Bakayoko, d'Amadou et Marie et Myriam, Jacques de Jeunette, Jimmy Cliff, Steve Cropper, Ace Frehley, Chris Rea, et en France, Claudia Cardinal, actrice mais aussi qui a eu du succès dans la chanson, Bernard Blier, réalisateur et passionné de jazz, Thierry Ardisson, passionné de musique, Albert Cassady, alias Bébert des Formans, Nicole Croisi, Jean Sarus, Michel Bonneau des Charlots, Georgette Lemaire, Tchéki Cario, acteur mais qui avait fait un album de chansons, Jean-Guy Donny, Herbert Léonard, Francky Jordan, Gilles Dreux, et Guy Bévert, chanteur-batteur de la compagnie créole. Rendons leur hommage à tous à travers deux chansons qui resteront dans l'éternité, dans la postérité. C'est Roberta Flack avec Kelly Me Softly, et c'est aussi la chanson de Nicole Croisi, Une femme avec toi, qu'elle interprète lors d'une soirée avec Zaz et Chimène Badi. Allez, on les écoute. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. softly, softly, softly with his song. Thank you. Je fréquentais alors des hommes un peu bizarres, aussi légers que la cendre de leurs cigares. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'étaient que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontrée. Toi, tu étais vivant, les autres s'endormaient. Toi, tu étais gai comme un Italien quand il est seul qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi, pour la première fois, je me suis enfin sentie femme. Une femme avec toi, femme, oh femme, une femme avec toi. Tu ressemblais un peu à ces terres d'avant, où galopaient les chevaux tout blancs. Ton visage était grave et ton sourire clair. Je marchais tout droit vers ta lumière. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, nous faisons l'amour près de toi. Le temps paraît si court, parce que tu es un homme et que tu es gentil, tu sais rendre belle la vie. Toi, tu es gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. C'est toujours comme la première fois quand je suis enfin devenue. Merci à vous, Nicole, et à vous, Roberta, pour tout ce que vous avez apporté à la musique en France et dans le monde. Voilà, maintenant on passe à des statistiques. Aïe, aïe, aïe, ça va faire mal la tête. Mais plutôt que prévu cette année, le bilan de 2025 sur la musique vivante et le spectacle vivant est déjà publié. Donc je vais en profiter pour vous donner les grandes réussites de 2025, et on peut dire que 2025 est un très bon cru, même si très variable d'une région à une autre. Il y a des régions qui sont plus favorisées que d'autres. En tout cas, dans toute la France, il y a eu plus de 4000 festivals organisés, plus de 100 000 concerts ont été organisés en 2025, plus de 8000 artistes professionnels et intermittents avec les musiciens ont joué partout en France, et plus de 33 millions de spectateurs sont venus les voir assister à tous ces concerts, les petits comme les grands. Sans compter, ils ne sont pas comptés dans les statistiques officielles nationales, toutes celles et ceux qui sont produits pour des bonnes œuvres ou dans des cafés chansons, les bars ou à la rue à l'occasion de manifestations culturelles. Donc bravo à tous les artistes, les grandes stars, les très connus comme les moins connus. Merci aussi aux promoteurs, organisateurs, tourneurs, producteurs, techniciens. Il est à regretter toutefois que la diminution constante de lieux musicaux tels les cafés-concerts, les MJC, les maisons de la culture et les concerts dans les petites fêtes de village, les kermesses associatives à but non lucratif, qui n'ont aujourd'hui plus les moyens d'organiser des concerts en ayant dû fermer leur établissement ou stopper leur activité musicale depuis ce foutu Covid. Le spectacle musical vivant se porte toutefois bien, de mieux en mieux même, et devient aussi de plus en plus lucratif. Avec plus d'1,4 milliard de recettes, si on rajoute les recettes du théâtre, qui font partie de la culture vivante, la danse, le cirque et l'humour, on atteint 3,2 milliards de chiffre d'affaires, ce qui place le spectacle vivant, donc en public, au second rang des recettes de toute la culture en France. Ceci dit, les tarifs billetterie sont un peu en hausse, en moyenne, et avec des billets qui peuvent atteindre aujourd'hui facilement 100 €, même 500 €. Je voudrais rajouter que malgré ces bons chiffres, la majorité des intermittents, artistes, musiciens, techniciens et petites compagnies de théâtre galèrent. Malgré tout leur sacrifice et leur travail, dans ce domaine comme dans d'autres, il y a beaucoup d'inégalités et d'injustices qu'il faut combattre. Voilà le petit message que je voulais leur adresser pour ce mois de janvier où on fait des vœux. On pense fort à vous. Allez, on repart en chanson, cette fois-ci avec Chris Rea, un artiste anglais qui nous a quittés 3 jours avant Noël. Une disparition qui m'a réellement ému, mais je ne suis pas le seul à avoir ressenti cette émotion. On le retrouve dans son premier tube international, On the Beach. Et comme ça fait du bien de passer à la plage. On the beach. Merci Chris, merci pour toutes ces belles chansons. Tu disais d'ailleurs, tu n'étais pas vraiment un vrai bon musicien, tu étais plutôt un mélodiste et ça s'est prouvé tout le long de ta carrière, RIP comme on dit dans les pays anglo-saxons. Voilà, alors je disais tout à l'heure qu'il y avait que la musique vivante se portait bien et pourtant il y a quand même quelques bad news, des mauvaises nouvelles pour 2026. Il y a des festivals célèbres qui sont déjà annulés ou qui ont jeté l'éponge pour 2026. Celui de Lollapalooza à Paris, un des plus célèbres, même assez récent, faute de tête d'affiche internationale ou trop cher à cette période et qui rentabilise un festival, donc ne peut pas avoir lieu cette année. Et donc, ils ont déclaré forfait. Celui du Sunska Festival en Gironde, qui est le plus grand festival de reggae en France, en raison d'un déficit de plusieurs années consécutives et de pataquès politiques au niveau des départements, des régions, qui n'ont plus voulu financer le festival, eh bien, ceux-ci ont arrêté le festival en l'annonçant eux-mêmes les premiers. Et il y a une grande élan solidaire pour que ce festival puisse renaître de ses cendres. Voilà. Le festival d'Ornans, aussi dans le Doubs, qui était connu, qui est annulé suite à des complications de l'administration, des institutions et politiques locales qui ne sont pas d'accord sur le projet initial qui disait que les concerts devaient être gratuits. Bref, l'équipe en a eu marre, ils ont démissionné. Et une pétition est lancée pour essayer de le sauver. Mais probablement, il n'y aura pas de festival cette année. C'est trop short maintenant pour le mettre en place. Voilà. Chez nous, près de Nancy, c'est le festival La Palette, à Maron, qui a conclu sa belle aventure pour son 10e anniversaire. Ceci dit, l'association met le son pour suivre son projet, mais sous d'autres formes, sur d'autres types de manifestations culturelles et musicales aussi. Donc, à suivre, on les retrouvera tout au long de l'été, je pense, mais sur des nouvelles formules. Enfin, les Rolling Stones, on passe de la palette aux Rolling Stones, c'est cool la musique. Eux avaient préparé une nouvelle tournée mondiale pour 2026, qui devait passer vers la France. Malheureusement, Keith Richard ne se sent pas en forme pour un nouveau World Tour, qui est toujours un exercice extrêmement fatigant. La tournée est donc annulée, mais bonne nouvelle, un album va sortir courant 2026 sur leur label habituel, et ils travaillent actuellement dessus, ils en sont au mixage, donc ça vient bon, je pense qu'avril-mai, on devrait avoir le nouvel album des Rolling Stones. Voilà, on les retrouve d'ailleurs à Hyde Park, c'était en live, en 2024, avec Honky Tonky Woman. Yes, les Stones, Bon, alors je disais que l'année 2025 avait été bonne pour la culture vivante. Donc les concerts, je trouve, moi, se multiplient sur Nancy et la Lorraine. Vous allez voir à travers les dates et les groupes ou chanteurs que je vais vous citer. Il y a par exemple Indochine au Galaxy d'Amnéville, c'était le 3 janvier et ce sera à nouveau le 31 janvier 2026. Mais ne cherchez plus de billets, tout est blindé complet. Le 15 janvier, après-demain, c'est Laurent Voulzy qui vient en version acoustique à la salle Chaudeau de Ludre. Les tarifs sont entre 55 et 69. Je l'ai vu l'été dernier à Carcassonne dans cette formule-là. Je trouve vraiment que c'est sympa. Le public participe beaucoup en chantant les chansons de Laurent Voulzy qui sont les plus connues. Et finalement, on passe une agréable soirée. Voilà. Hormis, on a aussi Thomas Dutronc à la salle Poirel qui vient le 22 janvier. Les billets sont à partir de 35 euros. Vous savez, tout en haut, on doit se pencher un peu à cause du pilier. Voilà. Mais bon, c'est quand même économique. Le 3 février, c'est Linda Lemay qui vient accompagnée du guitariste Jean-Félix Lalanne qui seront à l'espace congrès Robert Schumann à Metz. Les places sont à partir de 49 euros. Qu'est-ce qu'on a encore? Je regarde sur mes fiches. Du 4 au 8 février, on a Florent Pagny qui vient au Zénith de Nancy. 4 jours, là aussi, tout est blindé complet. Alors, 4 jours de suite à Nancy, il y a une raison qu'on ne nous dit pas. On ne nous dit pas tout. Soit c'est pour les préparatifs et mises au point d'une grande tournée, ça se fait souvent à Rouen, au Zénith de Rouen. Chanteurs font quelques soirées comme ça pour se mettre dans le bain d'une longue tournée qu'ils vont faire. Ou alors, il y a un enregistrement vidéo qui est prévu. Et donc, on enregistre ces 4 soirs-là pour en faire un DVD, un MP3, un MP4, tout ce qu'on veut. Magnifique. Alors, ces soirs-là, Nancy, souriez hein, et chantez, hein, vous allez peut-être être filmés. Voilà. Le 15 février, c'est Louis Chélide qui vient au casino d'Amnéville. Il vient tous les ans à cette période en Lorraine, quasiment. Les places sont à 49,68 €. Ah ouais, au casino, au centime près. Hein. On rigole pas. Hein. Et puis, on a le 25 février, Thomas Fersen, un artiste qui se fait vraiment trop rare. Il sera à la salle Poirel. Je peux vous dire, allez-y d'emblée, ce sera un beau spectacle. Les billets sont en 39 euros seulement. On va d'ailleurs l'écouter avec une de ses chansons, Les Zombies du Cimetière. On peut y aller ? La lune était si pleine que le coq a chanté. J'avais les jambes en l'air, les yeux exorbités par la vue de 5 noctambules qui avançaient les bras tendus à la façon des somnambules. 4 noyés et 1 pendu, c'était les zombies du cimetière qui ne retrouvaient pas leur trou. Alors j'ai claqué la portière, je suis parti sur les chaponneaux. La lune était si pleine que le coq a chanté. J'avais les jambes en laine, car en réalité c'était bizarre dans ma voiture. Ça me donne encore des frissons, je trouvais que ça sentait la friture. Je trouvais que ça sentait le poisson, c'était les zombies du cimetière. Allez-y, vous verrez, vous passerez une bonne soirée, c'est super sympa. Qu'est-ce que j'ai encore j'ai Biréli Lagraine, le Nancéen. Enfin, pas le Nancéen, mais sa famille est à Nancy, habite Nancy. Un des guitaristes les plus célèbres dans le monde entier, un guitariste de jazz, a démarré avec évidemment les standards Django Reinhardt, la famille donc vit à Nancy, juste à côté de Nancy. Il sera au casino de d'Amnéville. Le prix des places est à 54 euros. Eh ouais, ça se mérite un concert de Birelli aujourd'hui. Le 7 mars, c'est Michel Jonas, comme tous les ans, qui revient en Lorraine. Avec son bode, ils seront donc Manu Katché, Jérôme D'Angelo, le frangin D'Angelo, et puis tous les autres musiciens qui sont avec eux. Eux, ils seront au Galaxy d'Amnéville. Il reste 18 places, j'ai compté hier soir, 18 places, donc dépêchez-vous. Les billets sont à partir de 49 euros. Le 18 mars, c'est le groupe Ange qui fête ses 55 ans de carrière. Quel exploit! Ils seront à l'autre canal à Nancy, billets à partir de 26 euros. Zaz, elle, sera le 2 avril au Zénith. Il reste encore quelques places, dépêchez-vous. C'est à partir de 40 euros. Et on le retrouve avec son, en live avec son dernier titre, Phare, je pardonne. Zaz. Je pardonne pour oublier. Je pardonne pour respirer. Pour arrêter de remuer. Les couteaux dans mes plaies, je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé et au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison, la rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix. Bien sûr que ça reste là, mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne me hante, rien ne m'arrête. Pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on ne m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs. Tout ce qu'on ne m'a pas donné, je suis allée le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison, la rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Je pardonne à tort et à travers, pour éprouver la lumière. Des jours qui naissent, des jours qui meurent, chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Te perdono, me perdono, y lo recuerdo todo. Voilà, c'était Zaz. Petite anecdote, Zaz, parce que c'est vraiment une personne vraiment formidable. Lors de son premier tour des Zénith, il y a peut-être 10 ans de ça, son manager arrive dans notre association où je travaillais, qui s'appelait à l'époque Regain 54, et qui propose 50 entrées aux gens du foyer. Alors on était un petit peu étonnés, il nous dit non, dans chaque ville qu'elle passe, elle me demande de passer dans des foyers de solidarité et proposer 50 places aux personnes. Donc le soir, j'étais tout content, je suis allé voir Zaz, et elle est venue après le concert leur faire un tout petit coucou, ça a duré 3 minutes, mais elle est venue leur faire un petit coucou en leur demandant si elles avaient bien aimé et qu'elle leur souhaitait toutes les réussites du monde. Voilà, c'est ça aussi Zaz. Voilà, bon, à part Zaz, on aura Vanessa Paradis le 3 avril au Zénith de Nancy. C'est son grand retour sur scène après l'album qui vient de sortir, réalisé par Étienne Dao. Il reste encore quelques places, c'est à partir de 35 euros. Zucchero, le bluesman italien, fait son grand retour pour une tournée mondiale. Il sera le 26 mai au Zénith de Nancy en open air. Tarif à partir de 68,50 €, vous savez, tout en haut à droite ou à gauche. Voilà, on va le retrouver, petit extrait, son titre le plus connu, le premier qui l'a fait connaître internationalement, c'est Senza una Donna. Così che passo i giorni, baby. Come stai? Sei stata lì e adesso torni, lady. E con chi stai? Io sto qui. Anche da mangiare, sì, è così, vedi pure, ma non ho più paura di restare senza una donna. Come siamo lontani senza una donna, sto bene anche domani senza una donna. Così se non è così che puoi comprarmi, baby, tu lo sai, è un po' più giù che devi andare, baby, se ce l'hai. C'était Zucchero. Je l'ai vu une fois au concert, un truc complètement anecdotique, mais il s'est produit une année au lac de la Madine, dans la Meuse. C'était juste après les réfections du site. Il y avait eu les deux, trois premières années après la réfection des grands concerts. Donc sur le site Madine 1, il était venu un soir, il était venu aussi Christophe Maé, que je me souviens bien, Thiéphen et Paul Persson. Voilà, mais c'était vraiment très bien. Il y a beaucoup d'ambiance au concert de Zucchero, puis c'est un mec sympa, donc on passe une bonne soirée. Voilà, enfin le grand événement en France, c'est chez nous en Lorraine, yes. La venue de Neil Young à l'Open Air du Zénith de Nancy le 24 juin. Neil Young à Nancy, c'est incroyable. C'est comme s'il y avait le pape. Le tarif des places est à partir de 68,50 €. On en parlera dans Music Live avant son arrivée. On va le retrouver là un titre bon, qui a de ses grands succès, qui date de l'année dernière, avec donc le même groupe, quatre jeunes musiciens super. Et puis il faut dire aussi qu'il y aura deux premières parties au spectacle. Un grand guitariste américain qui vient juste solo avec sa guitare. Et vous allez voir, j'ai écouté quelques enregistrements de lui live. C'est vraiment super. Et puis on a un autre artiste, un grand artiste qui a fait du rock, du punk, et qui vous trouverez ça, c'est sur l'affiche, mais en tout cas c'est un grand qui vient, donc c'est vraiment une chouette soirée qui s'annonce, et on écoute tout de suite Rockin' in the Free World. Voilà, c'était Neil Young, Rocking in the Free World. Allez-y, c'est vraiment un événement de sa vie de voir au moins une fois Neil Young en concert. Et puis vous verrez, il y a deux belles premières parties. Et puis lui, bah, c'est un majeur. Hein. Et comme il prend de l'âge aussi, hein, comme beaucoup, il est moins, il est encore rock, mais il met en valeur aussi ses premières chansons, plus folk, song. Et ça fait un panache de vraiment un beau spectacle. Allez-y, je vous assure, il y a encore des places, alors profitez-en. Voilà, deux petites dates encore. Quelques jours plus tard, le 27, ce sera Orelsan qui revient au Zénith après son concert fantastique de 2022, pour toutes celles et ceux qui étaient au Zénith ce soir-là. Voilà un petit extrait du concert au milieu de la foule. La qualité s'en ressent un peu, mais quel souvenir, à coup sûr, on sera tous aussi à l'open air. Si on trouve rien, je sens rien, que l'odeur de la peur est envolée. Maman est proche de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. Je sens quand il se passe par la fenêtre, pour aller me planquer dans sa classe. Un dit t'es pas censé être là, j'ai dit prêt, toi c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. J'ai quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. Si c'est dans la vie facile, quand je sais pas, je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit, je sais pas tout, j'ai perdu foi à l'univers. À 5 ans, je l'ai juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Sur le terrain, le froid me fait des claques sur les mains. J'ai 11 ans, je suis fan de basket, je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros m'a offert les Jordan 8 avec les scratch. Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. J'entre au collège, on traite de bourse, normal mes chaussures coutume blanc. Je peux les mettre, mon père s'énerve, quand à tout nous on n'avait rien. À 13 ans, sous le bordel en cours, pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé. Et voilà, c'était Orelsan. C'est toujours un beau moment avec Orelsan. Hein. Il a un peu la tête dans les nuages. Souvent, il y a pas mal de déco sur scène. C'est vraiment sympa. Le dernier événement que je vous cite, c'est toujours au Zénith plein air. Cette année, ils ont fait vraiment une programmation remarquable, le Zénith. Ça va vraiment être très, très, très, très chaud et chouette. Cet été à Nancy, une autre star internationale va venir, c'est Katy Perry le 12 juillet, mais il ne reste plus que quelques places, et à 106 et à 136 euros, les places presque les plus chères. Oh, ce générique-là me dit quelque chose. Eh oui, nous sommes déjà à la fin de cette première émission de l'an 2026. Vous pourrez retrouver en podcast dès demain sur Fadjet.net et sur notre groupe Facebook Music Live by Yo on Fadjet, cette émission. Encore une fois, je vous souhaite une belle année musicale à toutes et à tous. Allez au concert. On se retrouve le 28 janvier, même endroit, même heure. Ciao!